parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Pourquoi? Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Il leur écrit ceci, « Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. » Amen. Tout un texte, hein? Donc, frères et sœurs, il est essentiel que nous soyons conscients, convaincus du fait que notre Dieu est vivant. Et ce texte-là met l'accent là-dessus. Imaginez une armée qui est entourée des ennemis. C'est clair, ils ne s'en sortiront pas. Les ennemis se rapprochent d'eux, mais ils ont convenu qu'un autre bataillon de leur propre armée va venir les délivrer. Alors, ils gardent l'espoir, ils combattent parce qu'il y a de l'aide qui s'en vient. Mais imaginez qu'on leur donnerait le message: ceux qui doivent vous sauver, vous délivrer, sont tous morts. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment réagir? C'est fini pour eux. Dieu n'est pas mort, frères et sœurs. Notre Dieu est vivant. Et ça change tout. Ça fait toute la différence. Quelqu'un disait, souvent les chrétiens agissent comme si Dieu n'existait pas. Pratiquement, souvent, les chrétiens agissent pas différent d'un athée, comme s'il n'y avait pas une puissance, un être vivant, une personne trinitaire, tout puissant qui nous aime, qui a promis d'intervenir, de prendre soin de nous, qui agit, il est vivant. Et comme si on avait nos seuls moyens, puis quand on est au bout de nos moyens, bien, des fois on devient découragé parce qu'on n'a tellement pas appris à compter sur ce Dieu vivant-là. On a besoin d'être conscient et convaincu que Dieu est vivant. Parlons ici de Darius dans le texte. Il y a quelque chose qui nous impressionne d'un côté, puis de l'autre, il semble quelqu'un de très faible, facilement manipulable, hein, qui s'est fait prendre au piège, là, finalement, avec ses principaux qu'il avait mis en place. Ils l'ont piégé carrément. Lui, il aimait Daniel, il voulait le sauver, vous avez remarqué? Mais les autres l'ont organisé, il a mis en place un décret que quiconque allait prier un autre que lui devait être jeté dans la fosse aux lions. Puis voilà, c'est Daniel, on pointait, on voulait le prendre en défaut, on voulait se débarrasser de lui. Le roi s'est fait avoir. Mais de toute cette histoire, le roi Darius a tiré une chose très claire. Quand l'expérience était finie, l'expérience où il a côtoyé Daniel, il a côtoyé surtout le Dieu de Daniel, il l'a vu agir, à deux reprises il parle que ce Dieu-là, c'est le Dieu vivant. Et il a même donné le décret dans tout l'Empire de servir, de craindre ce Dieu vivant-là. Lui, c'est ce qu'il a retiré. Mais ce qui est spécial, c'est que dès le départ, il semblait avoir quelque chose. Moi, je crois qu'il avait été influencé fortement par Daniel. Il avait vu Daniel, le croyant, agir, prier, Il avait vu Dieu agir dans la vie de Daniel de telle sorte que quand il a dû, malgré lui, ordonner que Daniel soit jeté dans la fosse au lion, il aurait dû dire, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Probablement que jamais personne n'avait sorti de là, de la fosse au lion. La preuve, c'est aussitôt qu'on a jeté les autres qui avaient accusé Daniel, ils n'ont même pas eu le temps de se rendre à terre, que les lions les avaient saisis, brisés leurs os. Personne ne sortait vivant de là. Mais voilà que le roi, lui, quand Daniel est jeté dans la fosse au lion, il dit, Daniel, puisse ton Dieu te délivrer. Le Dieu vivant que tu sers, là, qu'il puisse te délivrer. Il s'en va dans son palais, passe la nuit à jeûne. Est-ce qu'il a prié? Je ne sais pas. Fait pas venir de concubine. Il n'a pas dormi de la nuit. La première chose qu'il fait le matin, il aurait dû préparer les funérailles. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va vers la fosse et dit, « Daniel! » Les autres doivent avoir dit, « Ben, pense-y même pas, il n'existe même plus, Daniel, là, voyons. » Daniel, Daniel, le Dieu que tu sers avec persévérance, le Dieu vivant, est-ce qu'il t'a délivré? Et là, Daniel lui dit, oui, je suis toujours vivant. Déjà, il y avait une notion, cet homme-là. Mais après cela, ben encore plus, parce que là, il a envoyé le décret, il a émis le décret dans tout l'Empire, que maintenant, on devait servir ce Dieu qu'il appelle le Dieu vivant. Lui, là, il a expérimenté, il a dit, moi, là, j'ai jamais vu ça. On est un empire d'idolâtres. Les gens sont polythéistes. Il y a toutes sortes de dieux dans l'empire. Mais ils ne font pas grand-chose en réalité. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, des yeux, ils ne voient pas, des mains, ils n'aident pas, ils ne bougent pas. C'est des dieux morts. Mais c'est la première fois de ma vie que je vois un dieu vivant qui agit, qui intervient, qui sauve, qui délivre. Je n'ai jamais vu ça. Et cette vérité que notre Dieu est vivant, c'est, on la retrouve à la grandeur de la Bible. C'est là dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. À 29 reprises, Dieu, il est appelé le Dieu vivant dans la Bible. On nous dit à quelques reprises, au moins à deux fois, ce que j'ai pu trouver rapidement, on nous dit qu'il vit éternellement. Et 36 fois, quelqu'un emploie l'expression « Dieu est vivant », surtout quand on fait un serment. Les gens faisaient un serment disant « Dieu est vivant, je vais te protéger » ou quelque chose comme ça. C'était la manière dont ils s'engageaient. « Dieu est vivant ». Alors, c'est répété ça dans la Bible. Et comme je disais tout à l'heure, le fait que Dieu est vivant, ça change tout. Ça change tout. Que notre vie chrétienne soit vécue dans la perspective, avec la compréhension, avec la conviction que Dieu est vivant, ça change tout. Regardons différents aspects que ça change. Un, ça change que le Dieu vivant mérite seul l'adoration. Lui seul. Oui, les hommes se sont créés pleins de dieux. Oui, il y a plein de choses dans lesquelles on peut se confier ici-bas. Mais il est le seul qui est vivant. Et lui seul mérite l'adoration. Verset 26. Donc, après cette expérience où Darius a vu Dieu agir, il a émis le décret suivant. « J'ordonne que, » je lis le verset 26, « dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte, de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. » Darius fait l'équation suivante. Un Dieu qui agit comme ça, qui délivre d'une situation, personne n'en est sorti, autrement personne peut sortir de la présence des lions comme ça, affamé, vivant. Il fait l'équation, ben ça c'est le Dieu vivant qui fait cela. Agir, celui qui fait des miracles, celui qui fait des prodiges, comme il est mentionné dans le texte. Et vous savez, si vous recherchez l'expression « le Dieu vivant » dans la Bible, souvent on retrouve ça dans un contexte où justement il est contrasté aux idoles. Parce que les gens de l'époque, là, il y avait des dieux partout. Des territoires appartenaient à des dieux. Tu allais chez les Moabites, il y avait un dieu. Tu allais chez les Égyptiens, ben, en fait, même, souvent, il y en avait plusieurs. Souvent, les dieux étaient associés à des forces de la nature, le dieu du tonnerre, le dieu de l'eau, etc., le soleil. Mais dans la Bible, souvent, on va présenter que ces idoles sont mortes, sont vaines, sont impuissantes, alors que notre Dieu, nous, il est vivant. Et c'est ce que Darius, ici, il dit. Il dit, j'ordonne, tout peuple, arrêtez de penser qu'il y a des dieux nationaux, il y a un seul Dieu qui est vivant. C'est lui que tous vous devez adorer, petits et grands. Dans toutes les circonstances, que vous soyez sur la mer, sous la mer, peu importe, c'est lui le seul Dieu. Ça me rappelait, bien sûr, le verset dans 1 Thessaloniciens 1,9, où Paul dit aux Thessaloniciens, il dit, on raconte à votre sujet comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Mais il dit, en fait, comment vous vous êtes convertis à Dieu, au Dieu vivant, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Question maintenant. Darius encourage les gens et dit, servez ce Dieu-là, c'est le seul qui est vivant. Et il s'attend que les gens, en le servant, vont vivre quelque chose. Il n'est pas mort, il agit, il intervient. Question, à quoi ressemble votre vie chrétienne? Est-ce que vous avez une relation avec un Dieu vivant qui est une personne? Une personne, ça parle, ça pense, ça agit, ça intervient. Dieu est un Dieu personnel. On parle de notre sauveur personnel tellement de fois. Hein? À quoi ressemble votre vie chrétienne? Avez-vous une relation réelle où Dieu agit, intervient? On lit dans la Bible, là où Dieu était, là où le peuple de Dieu se confiait en lui, Dieu agit. Il y a plein de témoignages d'un Dieu vivant dans la Bible. Et savez-vous quoi? Moi, je m'attends que quand on se rencontre les croyants ensemble, qu'on ait plein d'histoires à raconter en disant, « Hey, sais-tu ce qui m'est arrivé? J'ai prié, j'ai mis ma confiance en Dieu, et Dieu a fait ceci, cela, il est intervenu. Hey, j'ai tellement du bon temps, je m'attends d'entendre ça, là. J'ai tellement du bon temps dans la parole. Dieu me parle, il est vivant, il parle, il existe. » Ce n'est pas une force inanimée comme le vent, comme le tonnerre. C'est une personne. Il me parle. Je lui parle en retour. J'ai une communion avec lui. C'est ça que je m'attends. Et qu'il y ait des manifestations de ça en quelque part. C'est le Dieu qui fait des prodiges, qui est vivant. Mais le problème souvent, c'est que on a de la misère à saisir, à expérimenter justement la présence, la réalité de Dieu. Vous savez que il y a des démons, il y a des êtres, des mauvais esprits un peu partout. Et on n'est pas conscient de ça bien des fois. Mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation où il y a des manifestations démoniaques. Tout à coup, mais c'est réel, là. Je sais qu'il y a eu des films, il y a plein de choses qui ont été dites, mais la réalité, c'est que ces êtres-là se manifestent quelquefois. Et de vous retrouver dans une maison où les portes s'ouvrent tout seules, où il y a des bruits, des voix qui sont entendues, ça fait toute une différence. Vous êtes assis, bon, on le sait, on est des croyants, on sait qu'il y a des démons, tatata, mais quand ça se met à bouger autour, tu fais quoi? Hey, tu prends tes pattes, tu sors ou tu pries, tu fais... Hey, là, tout à coup, tu deviens conscient que ces êtres-là qui sont là, qu'on ne voit pas, ils sont là, ils existent. Des fois, j'ai l'impression que... Comment je pourrais dire? On n'est pas conscient que Dieu existe. Qui est là? Qui est vivant? Qui intervient? Qui nous entend? Et ça vous est déjà arrivé, vous parlez avec quelqu'un, puis vous vous endormez? Ben non, voyons donc. Tu as quelqu'un qui est devant toi, puis souvent même on craint tellement les hommes que ça change notre... Mais pourquoi on s'endort quand on parle à Dieu? Hein? Pourquoi? C'est par la foi. On croit qu'il est là, qu'il existe, que c'est une personne, mais notre foi est tellement petite. On a besoin d'être conscient, convaincu que Dieu est vivant. Et lui seul mérite d'être servi. Si on n'est pas conscient de ça, soyez certains, vous allez mettre votre confiance. Nous, on se prosterne pas devant des idoles faites de main d'homme, c'est clair. Hein? Mais on a nos autres ressources. Hey, je manque de ressources financières, j'ai besoin de... Hey, il faut que je nourrisse ma famille, tout ça. Hey, de l'argent, là, c'est concret, ça. Tout à coup, je reçois un héritage. Waouh, j'ai la paix. Mais même si tu n'as pas d'héritage, Dieu a promis qu'il allait répondre à tes besoins. Pourquoi qu'on n'a pas la même paix? Mes propres moyens d'arranger les choses, de contrôler, mais ça c'est concret là. Puis je peux, il y a quelqu'un là qui me fait du tort, puis je vais en parler aux autres, me monter une gang, je vais. Ça c'est concret, c'est mes moyens. Est-ce que je crois suffisamment que Dieu existe, puis qu'il est vivant, qu'il est vrai, que je peux dire non, je ne médirai pas. J'ai pas besoin de calomnier, j'ai pas besoin de monter des gens. Dieu s'occupe de ça, il est vivant. Quand on ne croit pas que Dieu vit, on utilise, il y a plein de ressources dans notre vie. Et ce que Dieu fait avec le temps, c'est qu'il nous montre comment ces ressources-là, on a besoin de lui remettre. Et il a besoin de prendre la première place. Ces idoles, on va les appeler comme ça là, dans nos vies, on a besoin de lui remettre. Et on passe notre vie comme croyant, où il nous purifie des aspects, nous transforme et nous apprend de plus en plus à compter sur lui. Deuxième, le Dieu vivant, j'ai dit, ça change tout, parce que le Dieu vivant existe et règne éternellement. Verset 26, Darius dit, « Il est le Dieu vivant et il subsiste, il vit, il existe éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. » Donc, le Dieu vivant existe et règne éternellement. Il y a eu d'autres grands leaders que le monde avait connus à l'époque. Hein? Nebuchadnezzar, Belshazzar, son fils. Il y a eu Darius, il y a eu Cyrus, des hommes qui règnent. Mais quoi, leur règne a été de courte durée, puis ils n'ont pas fait grand-chose. Il y a eu des Néron par la suite, Pharaon avant, Trump. Maintenant, pardon Seigneur, mais le Dieu vivant, lui, existe éternellement, et non seulement ça, mais il règne éternellement, il contrôle toutes choses. C'est le thème du livre de Daniel, d'ailleurs. Hein? Depuis le début du livre de Daniel, il se retrouve dans toutes sortes de situations complexes, bizarres, qui sont menaçantes. Mais il y a un Dieu vivant qui règne puis qui arrange les choses. Et les choses se passent à sa façon. Il faut définir ce qu'on entend par le fait que Dieu est vivant. OK? C'est plus, mais au minimum, c'est ceci, mais c'est plus que ça. Il existe. Mais il y a plein de choses qui existent. Les chaises, une table, la maison, le bâtiment ici existent, mais ce n'est pas vivant. Alors, Dieu existe, mais c'est plus que ça quand on dit qu'il est vivant, OK? Vous êtes conscient que il y a différentes choses qui sont vivantes aussi. Je dirais, il y a différentes catégories de vie. Un brin d'herbe, c'est vivant. Un arbre, c'est vivant. Un animal, c'est vivant. Un être humain, c'est vivant. Même les anges sont vivants. Généralement, quand on pense à quelque chose de vivant, nous, on définit comme quelque chose qui a un jour reçu la vie, il est né, ça se nourrit, ça se reproduit, ça croît, il y a une croissance, et ça meurt finalement. Ça, c'est le genre de vie qu'on connaît. Alors, si vous pensez que Dieu est vivant, puis vous pensez un peu comme un brin d'herbe, un arbre, un animal, un homme, c'est pas tout à fait ça. Quand on dit que Dieu est vivant, c'est carrément une autre catégorie. Vous réalisez, le texte, même Darius dit « il vit éternellement ». Il a toujours existé. Aussi loin que vous pouvez penser dans le passé, bien, vous n'êtes pas rendu encore. Avant ça, il vivait. Il existait. Et Dieu n'a pas de commencement, puis il ne grandit pas, lui, il ne se nourrit pas, il ne change pas. C'est le Dieu qui est immuable. et il ne meurt pas. Et il va vivre pour l'éternité, et pour l'éternité future. Et tout ce qui a vie, les autres catégories de vie, c'est Dieu qui donne la vie. Il vit, existe et règne éternellement. C'est complètement autre chose. Jean 5, verset 26 dit, « Il a la vie en lui-même, Dieu. » Personne ne lui a donné la vie, il est la vie. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est la vie. Est-ce que votre Dieu, vous le voyez comme vivant, mais d'une vie, une dimension tellement autre et élevée? Il y a un texte qui me frappe dans le psaume 94. Il dit ceci. « Celui qui a planté l'oreille, en parlant de Dieu, il a planté, il nous a donné l'oreille, lui, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, lui, ne verrait-il pas? » Pensez à ça. Nous, Dieu nous a créés, les capacités qu'on a, on est à l'image de Dieu, mais Dieu, lui, les possède. Il les possède à un niveau, une dimension bien plus que nous. Moi, je vois, puis j'ai besoin de mettre des lunettes, puis je les ajuste régulièrement parce que je perds de la vue. Dieu voit tout, sonde les cœurs. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Il n'y a pas d'endroit qu'on peut s'en aller sans que Dieu nous voie. On capote honnêtement quand on pense à ça. On entend, vous pensez, on réfléchit. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées sont au-dessus des vôtres. Vous planifiez, Dieu a un plan. Il décrète des choses arrivent. Vous agissez, même la Bible parle de la main de l'Éternel qui agit. Alors, quand on regarde un être humain, pourtant, on craint l'homme, nous autres. Puis, on est influencé par les autres. Alors que Dieu est immense. Ses capacités, c'est ce qu'il est, ses perfections, c'est infiniment au-delà de nous. Combien cela devrait nous influencer? Et combien on devrait en tenir compte? 3. Le Dieu vivant agit et délivre. Le Dieu vivant agit et délivre. Verset 27. Après avoir dit que ce Dieu, il est vivant, il règne, il existe éternellement, il dit ceci. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la fosse au lion. Darius dit cela. Dieu n'est pas une invention. Dieu n'est pas une fable. Des gens nous disent, c'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui s'est créé Dieu, qui s'est inventé un Dieu, il avait besoin de ça parce qu'il est faible. Non! Dieu est vivant et il agit. Puis quand Dieu agit, nous, on fait des actions, on appelle ça des actions, on fait des œuvres. Dieu, lui, quand il agit, c'est des prodiges, c'est des signes, c'est des miracles. C'est ça qui est approprié à notre Dieu. Et il agit et délivre. Qui? Ben, ceux qui se confient en lui. Verset 23. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Et même, on nous dit dès le départ que Daniel avait en lui un esprit supérieur. Il était vraiment quelqu'un, Daniel. Sérieusement, quand vous lisez le livre de Daniel, on a de la misère même à trouver des failles là, chez lui. Mais s'il y avait en lui un esprit supérieur, si Daniel était un homme comme ça de Dieu, c'est parce que Dieu lui avait donné cet esprit supérieur. Dieu l'avait rendu capable. Question, OK? Quand vous vous imaginez Samson, comment vous l'imaginez? Un bodybuilding, pas quelqu'un à manger comme moi, là, mais quelqu'un de musclé, fort. Êtes-vous sûr? On est tellement humain là, qu'on se dit qu'il fallait qu'il y ait quelque chose, lui, là, pour faire ça. Il devait être fort, il devait être gros, il devait manger des épinards, quelque chose. c'était peut-être un chicot, hein, un fouet. La preuve, c'est que quand l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, il n'était même pas capable de casser des liens, il était faible. Mais on est tellement habitués, nous, à dépendre de nous, puis mettre de l'homme, puis il faut qu'il y ait de l'homme là-dedans. Mais le Dieu vivant, lui, il agit, il sauve, il délivre, il fait des prodiges, il fait des miracles. Savez-vous que quand on lit la Bible, régulièrement, là, on devrait paniquer. Je pensais à ça dernièrement, puis imaginez, vous lisez Genèse, vous arrivez à Abraham. Dieu choisit Abraham. Et d'Abraham, il veut qu'il y ait une postérité qui sorte de lui. Et tu te dis, hey, c'est important, Seigneur, choisis le bon gars, parce que la postérité, c'est Jésus. Puis si tu ne choisis pas le bon, Jésus ne viendra pas, puis moi, je ne serai pas sauvé, là. Seigneur, tu cherches quelqu'un pour susciter une postérité. Ouf! Seigneur, fais ça comme faux, là, parce que moi, je vais être sauvé, là. C'est-à-dire, t'inquiète-toi pas, j'ai choisi Abraham. Tu dis, Seigneur, t'es-tu sérieux? Abraham, il est âgé, il n'est même plus en état d'avoir des enfants, la Bible dit. Sa femme est stérile. Hey, Seigneur, là, tu me fais paniquer, là, honnêtement. Qu'est-ce que tu fais à choisir Abraham? Et continuez, puis vous lisez la Bible, puis dans la postérité, puis pour amener à Jésus, il y a plein de choses qui devraient nous faire paniquer. Jusqu'à ce qu'on comprenne. Et que Dieu nous dise, garde bien. J'aime choisir les choses faibles, fragiles, stériles, impuissantes, incapables, pour que moi, qui est le Dieu vivant, j'agisse. Pour que ta confiance ne soit pas dans ce que tu vois des yeux, mais que ce soit par la foi en moi pour que moi j'intervienne. Et ce qui me fait le plus plaisir, là, Dieu nous dirait, c'est quand je vois mon peuple, avec ses faibles moyens, être rempli d'assurance, de foi, parce qu'il sait en qui il croit. Qu'il croit en un Dieu puissant, vivant, qui agit, qui sauve, qui délivre. Darius, c'est ce qu'il nous présente ici. Dernier point, le Dieu vivant est digne d'être invoqué. Le Dieu vivant est digne d'être invoqué. Verset 10, c'est vraiment encourageant. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et trois fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait, louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Daniel, c'était pas pour prier devant les hommes, là, comme les pharisiens qui ouvraient sa fenêtre en direction de Jérusalem. C'est parce que dans 1 Roi chapitre 8, Dieu avait dit que lorsque son peuple allait être déporté parce qu'il allait avoir péché, si là où ils sont, ils tournent les regards vers Jérusalem puis qu'ils prient que Dieu allait intervenir et les délivrer. Et pour Daniel, donc, c'est par la foi. Et même quand c'est interdit, ah, nous autres, on a de la misère à prier, puis c'est pas interdit. Lui, en plus, c'est interdit, ça allait lui coûter peut-être la vie. Il prie trois fois par jour en disant, Seigneur, puis quand les regards sont vers Jérusalem, ce que ça l'exprimait, sa prière, c'était, viens sauver, ramène les exilés, Seigneur, rebâtis le pays. Et vous savez quoi? Dieu a répondu à cette prière-là, parce que même Darius, c'est lui qui a donné un décret un peu plus tard, que le peuple de Dieu retourne à Jérusalem, rebâtisse le temple, etc. C'est Darius qui a donné le décret et qui a permis au peuple de le faire. Vous voulez savoir si vous croyez en un Dieu vivant? Regardez votre vie de prière. Il n'y a pas d'exercice plus, comment je pourrais dire, suprême, qui implique qu'on a compris plein de vérités. Si le moindrement ta foi, ta compréhension fait défaut en quelque part, tu ne prieras pas. Celui qui prie a besoin de maîtriser les éléments clés de la vie chrétienne, l'humilité, en disant, je ne peux rien par moi-même. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand on a compris cela, on prie parce que la ressource est ailleurs, à l'extérieur de moi. Mais ça, c'est toute une leçon à apprendre. La foi, de croire à ce Dieu-là. La compréhension de qui il est. La compréhension de l'Évangile. Je m'approche de Dieu, mais je suis tellement imparfait. Est-ce qu'il va m'accueillir? Est-ce qu'il va m'écouter? Ah, il va écouter d'autres croyants qui, eux, ont une vie impeccable. Mais moi, hey, jamais. Mais l'Évangile me dit que Jésus a payé pour mes péchés et que je peux m'approcher de Dieu au nom de Jésus et qu'il m'accueille avec, et je peux m'approcher avec assurance du trône de la grâce à cause de Jésus. Hey, j'ai besoin de maîtriser toutes ces choses-là. Et entre autres, maîtriser le fait que Dieu est vivant. Il m'écoute. Il m'écoute. Il est là. J'ai une réelle relation. Il me parle, je lui parle. Et ça change quelque chose parce qu'il est vivant. En conclusion, je veux juste terminer, puis on va aller avec le repas du Seigneur par la suite, avec le verset 27. Ce Dieu vivant, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui délivre et qui sauve. Il opère des signes, des prodiges dans les cieux et sur la terre. Vous êtes sauvés? C'est Dieu qui délivre et qui sauve parce qu'il est vivant. Ce Dieu vivant, de toute éternité passée, avait choisi un peuple pour les faire siens, en faire son peuple. On parle de préconnaissance de Dieu, d'élection de Dieu, de son amour éternel envers nous. Ça prend un Dieu vivant pour faire ça. On est sauvé parce que Dieu vit et qu'il a décrété, il a choisi des choses. Il a décidé des choses. Pour qu'on soit sauvé aujourd'hui, là, il faut que ce Dieu vivant-là, dans le temps, ait agi à différents moments. Il a fallu qu'il agisse pour que le Sauveur naisse d'Israël selon ses promesses. Il a fallu qu'il intervienne, il faut qu'il soit vivant. Et vous ne le réalisez peut-être pas, mais le jour où vous avez cru, il y avait un Dieu vivant par son esprit qui était en train de vous convaincre, qui était en train de vous appeler d'un appel efficace. Et vous avez cru, il vous a fait naître de nouveau. Il y a un Dieu, notre salut dépend d'un Dieu qui vit parce qu'il est, lui, dans ses perfections, miséricordieux, gracieux, bon. Notre salut dépend d'un Dieu vivant. Et si... Parce que sans la persévérance, on ne peut pas être sauvé. Alors, si je persévère, c'est parce qu'il y a un Dieu qui continue à agir, à être vivant. Et Jésus, vous savez, quand on dit, après la résurrection, « Il est vivant », lui, Jésus, maintenant, participe à la vie, la même vie que Dieu. Là. Il n'a pas juste ressuscité comme Lazare. Lazare a ressuscité avec la même catégorie qualité de vie qu'il avait avant de mourir, celle d'un homme à un certain niveau. Mais Jésus est ressuscité, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le prince de la vie. C'est lui notre sauveur. Et il donne la vie. Et la qualité de vie qu'on a, c'est celle du Dieu vivant maintenant. La vie éternelle, la vie de Dieu en nous. Wow! Alors, notre salut... Alors qu'on va prendre le repas du Seigneur ce matin, louons Dieu pour la vie éternelle qu'on a en Jésus à cause du Dieu vivant qui est intervenu et qui nous a sauvés, qui avait planifié de faire les choses et qui les a fait au temps opportun. Toute notre vie, frères et sœurs, dépend de ce Dieu-là. Donc, à ce point-ci, je vais inviter ces chrétiens et Paul-André à venir me donner un coup de main pour passer les éléments. On va aller dans la prière et j'aimerais à ce point-ci que quelques personnes nous conduisent et particulièrement qu'on puisse louer Dieu qui est vivant, qui délivre et qui sauve. Alors, prions s'il vous plaît.